fleur vient de faner dans le jardin de ton cœur. Ce n'était pas la première, mais tu as de la peine. Elle a laissé ses racines au plus profond de ton cœur. Ce n'était pas la plus belle, mais tu l'aimais quand même. Il y a des sentiments qui ne s'envolent pas malgré tout le temps qui passe. L'étoile vient de s'éteindre dans l'espace de tes nuits. Comme ça, elle est partie sans un souffle, sans un bruit. Elle a cessé de briller et ton univers aussi. Pour toi, mais elle éclaire ta vie. Il y a des sentiments qui ne s'en vont pas malgré tout le temps qui passe. Dans la gamme de ta vie, elle était bien trop tendue, beaucoup trop sensible. Elle a rompu d'un seul coup toute ton harmonie. Ce n'est qu'une corde brisée, mais sans elle, rien n'est possible. Il y a des sentiments qui ne s'en vont pas malgré tout le temps qui passe. Qui ne s'en vont pas malgré tout le temps qui passe.